demander, les sous-marins atomiques, comment ils peuvent fonctionner dans l'eau? Parce qu'il paraît que d'un côté, il n'y a pas de moteur diesel, il n'y a pas de moteur électrique, on en parlait justement encore à la récréation. Comment ils peuvent fonctionner dans l'eau, dit papa, les sous-marins atomiques? Oui. C'est étudié pour. Je comprends bien que c'est étudié pour, seulement. Moi, je n'ai que 9 ans et demi. Et avec les nouvelles méthodes d'instruction scolaire, je ne sais pas grand-chose. Mais je crois savoir, comme le commun des mortels, c'est-à-dire n'importe quelle andouille sur Terre, que si l'atome est la plus petite partie d'un corps simple et la molécule la plus petite partie d'un corps composé, comment se fait-il que l'on puisse désintégrer un atome? Non pas dans une pression atmosphérique, ne nous leurrons pas, mais dans une pression hydraulique. Qui dit hydraulique dit H2O, deux parties d'hydrogène, une partie d'oxygène. Ah, Einstein a dit que lorsque nous avons, descendant la théorie de Joliot-Curie, au centimètre... T'en as pour longtemps à me saouler avec tes salades. Hein? Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules, comment que ça fonctionne? Hein? J'ai déjà du mal à rouler en vélo, moi. Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules, comment que ça fonctionne? J'aurais tant aimé avoir dans mon foyer un réconfort moral. Je n'ai que tribulation. Lorsque Einstein a dit... Fous-moi la paix avec Einstein! Je veux pas d'histoire avec les voisins. Papa Einstein, c'est pas un voisin, fous-moi la paix. Et tout le temps, il part, ce gosse. Et gna gna gna, et gna gna gna, et gna. J'ai une tête comme ça, moi, le soir, il arrive, bon. Oh, fous-moi la paix, je suis ton père, hein. Bon, alors, je suis dans ma maison, t'es mon fils, alors, fous-moi la paix. J'ai le droit de commander ici. Il m'énerve, ce gosse, non? Et gna gna gna gna gna gna. Je suis en train de lire, moi, je sais plus où j'en suis. Oh, c'était si passionnant, on sait que c'était à la fin de la page, oui, c'est vrai. Tintin, Diane, Minou, Tarzan, c'est tout. Écoute, papa, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Lorsque l'atome... Fous-moi la goutte. Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules? Pose-moi des questions qui n'aient pas attrait aux atomes ni aux molécules et je te répondrai. Tu me répondras pas. Je sens que tu ne veux pas me répondre, papa. Pourquoi? Mais tu... D'où il sort, ce gosse? Mais si, je veux te répondre. Mais pas des questions sur les atomes ni les molécules. Tu me le jures, papa? Oui, je te le jure. Bon. Je vais t'en chercher une chouette question. Elle n'a ni attrait aux atomes ni aux molécules. Papa! Quoi? Pourquoi que les vaches, elles ont des cornes? Et puis que les chevaux, ils en ont pas. C'est étudié pour. Papa! Quoi? L'autre jour, il pleuvait. Et en voyant cette pluie bienfaitrice qui crée sur le sol des petites rues, qui allait grossir des ruisseaux, qui eux-mêmes allaient amplifier des fleuves, je me suis dit, papa, depuis des milliards d'années, qu'il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui descendent des fleuves et qui vont dans les océans, continuellement, pourquoi que les océans, ils finissent pas par déborder? Et les éponges, qu'est-ce que t'en fais? Fous-moi la paix, fils d'imbécile. Oui, papa. Ah, fais attention à ce que tu dis, hein. Parce que mon petit garçon, si tu veux jouer les idiots avec moi, Eh bien, nous serons deux. Et c'est toi qui perdras. Alors, une dernière fois, fous-moi la paix. Papa! Mais écoute, Toto, moi qui suis ta grand-mère, j'avoue franchement que ce soir, tu finis par embêter ton père. À vous, la belle-mère, foutez-moi la paix, hein. C'est mon gosse. Et il a le droit de s'instruire.